3, 2, 1, 0. Bonne année. Bonne année. Bonne année, Fadjet. Bonne année 2000. Fadjet, Nancy, 94.2 FM. Il est minuit. Merci d'avoir choisi Fadjet. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Voilà, nous sommes le samedi 21 novembre 2015, il est minuit, vous écoutez Fadjet. Bonsoir à tous, bienvenue sur Fadjet, on part tout de suite pour une heure d'émission et on part aussi pour l'année 2000, de minuit à une heure, pour une émission très spéciale avec une équipe de choc, européenne. Voilà. Lapsus révélateur de Julio. Une équipe de choc Europe and Roll avec Clémentine tout à l'heure qui nous parlera d'un petit événement de l'année Clémentine, de l'année 2000. Salut Clémentine. De l'année 2000 donc. Après cela, je vous ai concocté une petite chronique musique spéciale année 2000 qui va s'étaler tout au long de l'émission avec plusieurs morceaux pour plusieurs pauses musicales. Je sens que vous avez hâte. Et ensuite, comme à toutes les heures, on passera à l'interview de la personnalité Fadjet de l'année 2000. Cette fois, c'est Edith Antoine qui est à l'honneur. On l'écoutera tout à l'heure raconter ses aventures au sein de la radio Fadjet. Et pour finir sur Fadjet et l'année 2000, on écoutera la bande-annonce de Trans Music Express, émission phare de l'année 2000. Alors Clémentine, tu voulais nous parler d'un baby boom. Élèves supplémentaires qui sont entrés en seconde au lycée. C'est donc dû au baby boom de l'année 2000. C'est le troisième millénaire qui aurait donné des idées alors aux parents, puisque près de 800 000 naissances ont eu lieu en 2000, soit 10% de plus qu'une année moyenne. Le marché des bébés s'est donc annoncé porteur en 2000 et la plupart des nouveau-nés ont bien sûr montré le bout de leur nez entre janvier et février, mais rapporté à l'année entière, c'est les bébés, les 744 000 bébés de 1999 qui ont été dépassés. Et depuis, attention, la France est championne d'Europe de la natalité et elle dépasse ainsi l'Irlande qui était l'ancienne championne en titre. Donc l'Institut de l'enfant en France a cherché à cerner pourquoi est-ce que les parents font plus d'enfants maintenant. Et alors la réponse, c'est que si hier on avait des enfants sans vraiment contrôler leur arrivée et leur nombre, aujourd'hui tout est beaucoup plus planifié et on fait les enfants au moment voulu. Certains parents choisissent même la date exacte, enfin ils essayent de naissance de leur enfant, et d'où le choix de l'année 2000 par exemple. Donc aujourd'hui l'enfant incarne un projet et les parents veulent leur transmettre certains repères, comme par exemple la confiance en eux, les bonnes manières et la politesse, et surtout la joie de vivre qui sont à leurs yeux les plus importantes. Il faut dire que même si cette frénésie native ne compense pas le vieillissement de la population, d'une part, la fécondité des femmes s'élève et d'autre part, les grossesses tardives sont de plus en plus nombreuses. Donc même s'il y a de plus en plus de divorces aussi, malheureusement, 120 000 par an, il y a aussi 280 000 mariages en France chaque année depuis 2000 et l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Celle des hommes atteint 79 ans et celle des femmes 85 ans maintenant, avec une augmentation de 3 ans durant les 15 dernières années. Donc le seul problème en France, enfin c'est même pas un problème puisque en France la recherche d'un mort de garde est encore assez compliquée, mais il y a beaucoup de solutions comme les crèches, les haltes garderies, les assistantes maternelles ou d'autres. Et puisqu'on parle d'Europe dans Europe and Roll, il faut dire que quand même aux Pays-Bas et en Allemagne c'est beaucoup plus compliqué de faire garder ses enfants, mais en France la société française ne culpabilise pas les mères qui travaillent, à la différence de certains pays du Sud. Donc la montée du taux d'activité des femmes ne joue plus contre les naissances. Il s'avère même que les pays les plus féconds sont également ceux où les femmes travaillent le plus. Super, merci Clémentine. Et sinon, moi j'ai une petite anecdote de laquelle je voulais vous parler, une anecdote informatique marrante sur l'année 2000. Tous les gens à qui j'en ai parlé connaissaient ça, moi j'étais pas du tout au courant de ça. En 99, les informaticiens ont fait un boulot monstrueux en fait pour permettre aux systèmes informatiques de ne pas s'arrêter de fonctionner. Ou pire, de ne pas recommencer la datation dans les années 70 ou dans les années 80 selon les systèmes. On avait nommé ça le bug de l'année 2000, mais heureusement on l'a évité. Vous avez entendu parler de ça, vous? Ah bah oui, c'est super connu. Moi j'avais que 4 ans à l'époque, donc du coup je m'en souviens absolument pas, mais j'ai une grande sœur qui a 10 ans de plus que moi et qui a vraiment cru que tous les systèmes informatiques allaient s'arrêter et qui du coup a observé l'ordi pendant je crois plusieurs heures en pensant que d'un coup tout allait casser et tout allait s'arrêter. Grosse ambiance. On rêverait d'être à la place de ta sœur. Ok, allez, on passe à la suite. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Et puis comme promis, on fait une première pause musique à minuit 6 sur Fadjet, une pause rock'n'roll, une pause festive avec Shania Twain qui chante « Man, I feel like a woman ». C'est une chanson qui est en fait une ode aux femmes, à la liberté féminine, à la femme libérée, au droit d'être, de vivre comme les femmes le souhaitent. Au moins comme elle le souhaite, le droit de séduire, le droit de ne pas être systématiquement supplanté par un homme, ce qui a été en partie attaqué vendredi dernier à Paris. Alors on écoute Shania Twain qui veut nous dire ce qu'elle veut être à minuit 6 sur Fadjet. Let's go girls. Voilà, c'était Shania Twain sur Fadjet qui nous a mis visiblement de bonne humeur, Léa. Ah ouais, d'excellente humeur, moi je suis au top là. D'excellente humeur, super. Fadjet, aujourd'hui 30 ans d'ondes solidaires. Et donc on continue sur l'année 2000 sans transition aucune, on écoute Edith Antoine nous parler de son histoire au sein de Fadjet, c'est la personnalité de l'année 2000. Bonjour Edith, ça fait maintenant près de 25 ans que tu connais Fadjet et que tu y es bénévole. Est-ce que tu peux nous expliquer quel était ton rôle quand tu es arrivée dans les années 90? Alors moi, quand je suis arrivée à la radio, eh bien, en fait, je ne suis pas arrivée pour la radio, je suis arrivée parce que c'était un lieu d'accueil aussi pour les aumôneries de l'enseignement technique. Et ben, je n'étais pas dans l'enseignement technique, mais je faisais partie d'aumônerie. Donc, il s'y vivait plein de super trucs dans la maison, en dehors de la radio, des camps marches, des soirées débats, plein de choses super intéressantes pour une étudiante de 18 ans, fraîchement sortie du lycée, qui découvrait un peu la ville ancienne. Et donc, c'était vraiment un lieu de vie super pour réfléchir. D'accord, donc c'est plus l'aspect maison, association qui t'intéressait. Voilà, et puis après, je me suis laissée prendre petit à petit au virus de la radio. J'ai fait la toute première matinale 94.2 service compris, c'était un 16 septembre. Je m'en souviens parce que c'était le jour de ma fête aussi, et il n'y a jamais eu autant de monde qui m'a souhaité ma fête. Ah là, c'est sûr que l'éphéméride, ouais. À mon avis, tu y as eu droit. Voilà. Et puis, elle durait 2 heures à l'époque, l'émission. Et puis après la matinale, j'ai fait une émission de poésie avec une copine. J'ai fait une émission d'histoire avec un copain. J'ai fait une émission de même un tout petit peu de sport, ouais. C'était pas le truc qui m'intéressait le plus. À un moment donné, on a fait une émission sur le futur, parce qu'on était abonné à un magazine sur le futur. Donc on s'aidait de ça. C'était assez sympa. Et puis, j'ai terminé. Mes on émissions. J'ai fait des émissions sur les livres, au plaisir de lire, il n'y a encore pas si longtemps. Et la dernière émission que j'ai faite, c'était Mystère et Bulle de Gomme avec mon frère Daniel, qu'on a quand même animé pendant plus de 10 ans. Donc, on parlait de bande dessinée. Ouais. D'accord. Bah, effectivement, oui, tu as touché un petit peu à tous les sujets en radio. Ça, c'est super cool. C'est vrai que Fadjet donne l'opportunité à tout à chacun de pouvoir s'exprimer sur le sujet qu'il veut. Et ça, c'est important. Alors, je rajoute même, sur le sujet qui nous intéresse, et en même temps, il nous aide à nous intéresser à des sujets. Parce que moi, j'ai fait des émissions comme ça, des fois parce que quelqu'un me l'a proposé. Et de fait, on se découvre une passion. On se découvre des centres d'intérêt. Et ben justement, j'allais te demander, qu'est-ce que ça t'a apporté, l'expérience Fadjet, que ce soit pour ta vie personnelle ou professionnelle? Ça a apporté le sens du contact, la capacité à parler dans n'importe quelle situation, en groupe. Si j'ai quelque chose à dire, je sais que maintenant je le dis sans problème, ce que je ne faisais peut-être pas à l'époque, parce que j'étais encore pas très assurée. Ça donne de l'assurance, et puis ça fait découvrir tout un tas de monde auquel des fois on est un petit peu cloisonné quand on est lycéen, quand on est étudiant, un petit peu moins étudiant, on commence à découvrir des gens. Mais c'est vrai que y a une grande mixité dans la maison, donc que ce soit générationnel, que ce soit culturel, et du coup ça ouvre tout un tas d'horizons. Et puis c'est vrai que pour le métier de l'enseignement, c'est toujours assez intéressant de pouvoir donner sa façon de parler et puis d'essayer de captiver le public. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une belle expérience, j'imagine. Je pense que c'est complémentaire. Voilà. C'est moi, si j'ai fait de la radio, c'était parce que j'avais envie d'apprendre des choses aux gens. Donc c'est tout à fait pareil que l'enseignement. D'accord. Alors voilà, la question piège arrive. Hein. Si Fadjet était un mot, pour toi, ce serait quoi ce mot? Grandir. Voilà. Je pense que Fadjet m'a aidé à grandir, et c'est ce qu'elle offre à tous ceux qui veulent bien s'y intéresser. Voilà. Quand on arrive à Fadjet, on y apporte plein de choses et on en reçoit le double. Donc, mais c'est vraiment, ça aide vraiment à avancer dans la vie. Bon, alors moi j'ai une petite idée sur la réponse que tu vas nous apporter, mais si tu avais une anecdote ou un moment important que tu as vécu à Fadjet, ce serait quoi? Je dirais en 93, il y a un petit jeune homme qui est arrivé, qui faisait CES à l'époque dans la maison, et justement qui était le technicien de la matinale que j'animais, et aussi plus trop quitté, puisque c'est encore mon mari maintenant. Voilà. Donc c'est Yves qui est actuellement responsable d'antenne, responsable de la programmation à Fadjet, et voilà. Donc c'est vrai que c'était assez beau. C'est assez beau, je le souligne. Et du coup, je t'informe d'un truc qui va peut-être te faire plaisir. Et l'année dernière, on a créé aussi un couple qui dure encore. Et c'est que le début dans le menu étudiant. Comme quoi, vous n'êtes plus le seul couple qui s'est... Il y en a eu d'autres. Il y a eu plusieurs bébés Fadjet. C'est vrai? Ouais. Il y a eu Gwenaëlle et Thomas, que tu as peut-être interviewé, qui sont connus à la maison. Alors après, j'ai plus en tête les autres, mais je sais qu'il y en a eu 2-3 comme ça. Manu et Michel, alors je sais pas si tu les as eu, mais ça c'est non, encore plus ancien. Bon, il se passe vraiment que des belles choses à Fadjet. Oui. Eh bien, Si, ouais, j'ai encore une petite question, tiens. Parce que comme toi, tu es arrivé en 1990, donc dans les débuts, on va dire, de Fadjet, est-ce que tu pensais qu'un jour, cette radio arriverait à avoir 30 ans ? Bah, je me projetais pas trop, mais ouais, c'est vrai que je pensais pas que ça allait devenir, tu vois, un studio comme ça avec des beaux micros très professionnels, parce que nous à l'époque on passait des bandes qui passaient en boucle toute la nuit ou toutes les vacances, voilà, il y avait un système avec les cassettes qu'il fallait il fallait revenir toutes les deux voilà, trois heures, voilà, fallait changer, c'était très amateur quoi. Et puis par exemple le soir on se faisait une soirée à la radio, je dis oh, j'ai envie d'écouter du Goldman. J'allais me passer le Goldman en boucle sur la radio parce qu'on n'avait pas d'autre système d'écoute. Bah oui. Et tous les auditeurs en profitaient, mais c'était voilà, très libre dans la programmation, ce qui n'est plus le cas actuellement. Et c'est vrai que quand j'ai démarré, non, j'aurais pas pensé que ça pourrait devenir aussi professionnel tout en restant aussi convivial comme lieu. D'accord. Et eh bien merci beaucoup Edith pour ton témoignage. On va te laisser puisqu'il y a un conseil d'administration qui se prépare. Exactement. Merci en tout cas Edith. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Et voilà, on entendait donc Edith Antoine nous raconter ses débuts à Fadjet. C'est vrai que nous, vu d'ici, comme on est arrivé que l'année dernière, on a l'habitude de ces studios si professionnels avec ces micros tout neufs. C'est vrai que ça a dû faire pas mal de changements pour ceux qui sont arrivés les premiers. Et on continue sur l'année 2000 sans transition aucune. On va écouter tout de suite la bande-annonce de Transmusique Express. Chaque vendredi soir, 20h, 23h, Transmusique Express. Ouvre la radio, c'est ce qu'il te faut, T-M-E. Pour découvrir le bossa nova autour d'un invité, wow, pour connaître l'actualité musicale internationale, pour s'informer sur le cinéma et les loisirs, choisissez votre ambiance à l'écoute du magazine TME. Vous écoutez Radio Fadjet, il est minuit 18. Il est minuit 18 et c'est l'heure de Rock'n'Roll. Non, nous ne sommes pas le dimanche midi, mais bien le samedi 21 novembre. Et aujourd'hui, émission spéciale de Europe & Roll dans le cadre des 30 ans de Fadjet. Pour la première fois dans l'histoire d'Europe & Roll, on va être diffusé en direct. C'est un très grand honneur pour nous, bravo. C'est un grand honneur et donc merci beaucoup à toute l'équipe de Fadjet qui nous accueille tous les jeudis après-midi pour qu'on enregistre les émissions qui seront diffusées ensuite le dimanche. Grand merci à toute l'équipe qui a pu organiser toutes les 30 heures, notamment merci à Florent, je sais pas si tu m'entends. Il doit être quelque part dans la maison Fadjet en train de nous écouter. Et donc nous, à l'occasion de la Nuit Blanche Berlinoise à Nancy, on a décidé de vous parler de Berlin. Alors, première question. On avait dit qu'on se poserait la question de savoir si Berlin, c'était plutôt d'abord, est-ce qu'on est plutôt Berlin-Ouest ou Berlin-Est ? Voilà, pour ça, il faut savoir que Berlin, c'était partagé. Et moi, je pense que clairement, Berlin-Est, tout simplement parce que c'est c'est un style qu'on retrouve plutôt. Alors, il y a des bars. Dans Berlin-Ouest. Oui. Est-ce que je suis le seul à trouver que Berlin-Ouest a aussi ses intérêts ou On parle d'aujourd'hui ou d'avant ? Les deux. Ah oui, c'est vrai qu'avant la chute du mur, peut-être qu'il valait mieux être à Berlin-Ouest. À mon avis, ouais. Mais aujourd'hui, ça se discute. Et moi, en fait, je pense qu'on ne doit pas trancher au final, parce que ce qui fait aussi la particularité de Berlin et beaucoup de son intérêt, c'est qu'il y a Berlin-Est et Ouest au final. Donc pourquoi prendre parti ? Je ne pense pas que c'est très pertinent. Berlin-Est et Ouest. Alors, la partie Est est réputée pour les hipsters, la culture, les prix pas chers, etc. Anna, toi qui as l'habitude d'aller à Berlin, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui que Berlin-Est est l'endroit le plus branché, le plus cool du monde ? Ben, ça se gentrifie quand même. Enfin, on voit, il y a des quartiers comme Prenzlauer Berg fut un temps très, très hipster, très, ben, justement, avec beaucoup de maisons occupées, des parties underground. Et tout ça, c'est en train de se perdre un peu dans tout Berlin, j'ai l'impression. Ouais, même des quartiers, moi j'ai lu comme Neukölln, donc des quartiers plus populaires, avec notamment une forte immigration turque qui aussi se gentrifie petit à petit. Et les Berlinois, les vrais Berlinois, donc, qui viennent de là, sont pas très contents, j'ai l'impression, de ce phénomène. Et je pense qu'ils auraient voulu conserver ce côté un peu hipster, un peu underground, un peu alternatif de Berlin-Est. Alors, tu viens de dire un mot-clé. Je sais pas si on arrivera à trancher sur les débats Est vs Ouest, mais tu viens de dire un mot intéressant. Tu as dit turc. Et turc, ça ne peut m'évoquer qu'une chose, c'est le kebab berlinois. Alors, autre débat, on avait parlé dans une autre émission de Rock'n'Roll de la célèbre currywurst allemande. Maintenant, on peut se poser la question à Berlin. Berlin, est-ce une ville plutôt kebab ou plutôt currywurst? Moi, je suis pour la currywurst quand même, parce que le kebab, bah, comme tu l'as dit, c'est turc. Alors même s'il est arrivé en Allemagne, ce qui peut être intéressant à savoir, c'est que le kebab tel qu'il est à Berlin, il n'existe pas en Turquie. En fait, c'est quelque chose que là-bas ils appellent le Berliner kebab. C'est un espèce d'honneur très bizarre. C'est le kebab. C'est pour ça que pour moi c'est le kebab. Très clairement, si je pars à Berlin, c'est pour goûter. Mais en même temps, si vous arrivez à Berlin et qu'on vous dit mange un truc typique de Berlin, on vous sert une currywurst, on vous sert pas un kebab. Parce qu'un kebab, limite, tu peux en manger un à Nancy, tu peux en manger un. Exactement. Mais c'est pas les mêmes. Les goûts seront différents, ça c'est sûr. Et même des currywurst, on peut en manger partout en Allemagne, pas forcément qu'à Berlin. Ouais, mais alors là, des kebabs, t'en trouves dans toute l'Europe. Oui, mais c'est pas les mêmes. C'est vraiment pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité du kebab de Berlin? Moi, je veux savoir. Le pain est complètement différent. En France, on va te servir ton kebab dans un wrap en général, alors qu'en Allemagne, on va te le donner dans un pain. Ça, c'est vrai. En plus, les légumes par rapport à la France sont beaucoup plus développés. Tu oserais dire que les Allemands mangent mieux que les Français, Robin? Au niveau du kebab. À Berlin, il y a même un stand de gemüse, un döner qui serait donc composé uniquement de végétarien, de quoi, tu veux dire? Oui, absolument. Mais en gros, c'est le kebab qui est végétarien, enfin qui est entièrement de légumes. Est-ce qu'on peut dire que finalement... Un kebab végétarien, est-ce toujours un kebab? Moi, je pose la question. Ah, je pense qu'il faut en débattre, s'il vous plaît, parce que pour moi, la particularité d'un kebab, c'est qu'il y a de la viande dedans. Bon, on n'arrivera pas à trancher là-dessus non plus, savoir kebab ou currywurst. De toute façon, on n'est jamais d'accord ici. C'est tout l'intérêt de Rock'n'Roll. Est-ce que finalement, vous diriez que ça se rapporte à une différence culturelle entre le kebab, attention, j'essaie de faire une transition smoothie entre le kebab et la culture à Berlin. Non. Est-ce que le kebab fait partie de la culture berlinoise? Un peu, ou est-ce que la currywurst, lequel d'entre les deux fait le plus encore partie fois, de la culture berlinoise? Encore une fois, il ne faut pas trancher, les deux contribuent à la culture berlinoise. Les deux contribuent à la culture berlinoise. Et Marc, tu avais envie de nous parler d'autres choses qui contribuent à la culture berlinoise? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Salut. Dans toute l'Europe, nous connaissons sans doute une période de migration, notamment entre les pays européens. J'ai aussi une histoire de migration, car je viens de la Hongrie et je fais maintenant mes études sur le campus franco-allemand de Sciences Po. La ville de Berlin a depuis toujours créé des liens entre l'Est et l'Ouest grâce à sa situation géographique. Et aujourd'hui, Berlin peut également jouer un rôle important dans l'intégration européenne, notamment pour les pays d'Europe de l'Est. Le film « Vihar Sharok » et l'écrivain Imre Kertész ont tous les deux un lien avec Berlin. La coproduction hongroise-allemande « Vihar Sharok » ou en français « La Terre de Tempête » faisait partie de Berlinale 2014. Le film du réalisateur Adam Chassé présente l'histoire du jeune footballeur hongroise Szabolcs qui décide d'abandonner sa passion et de quitter son équipe du football en Allemagne. Après son retour en Hongrie, sa patrie, il tente de mener une vie simple à la campagne chez son grand-père. Il fait la connaissance de Aaron, une apprentie avec qui il se découvre son homosexualité. Cependant, les habitants très conservateurs du village gâchent leur nouvelle histoire d'amour. En plus, une amie allemande de Szabolcs vient pour le ramener en Allemagne. Enfin, il se décide à rester en Hongrie avec son amoureux. L'écrivain hongrois Imre Kertész, une survivante des camps de concentration et lauréat du prix Nobel de littérature en 2002, a habité à Berlin pendant longtemps. Sa décision d'habiter à l'étranger est liée à son rapport avec la société et la politique hongroise. Il exprime souvent ses doutes sur la direction des développements sociaux en démontrant les croissants ressentiments vis-à-vis de l'Europe et des valeurs européennes, notamment à cause de l'extrême droite et l'antisémitisme en Hongrie. Selon Kertész, en Hongrie, seuls régnent les émotions, les romantismes et le sentimentalisme. Pour moi, jeune étudiant hongrois sur un campus européen dans le cœur de l'Europe, ces histoires hongroises de Berlin m'interpelle beaucoup. Par ailleurs, je trouve qu'il présente deux perspectives très différentes. Par conséquent, tous les deux peuvent contribuer à ce que nous comprenions mieux la Hongrie. D'accord, merci beaucoup. On va revenir tout à l'heure sur le cinéma à Berlin. On aura des petits débats, qu'est-ce qui est mieux entre cinéma de plein air et cinéma d'intérieur. Mais d'abord, on va faire une petite première pause rock des années 2000. Il est minuit 25 et 50 et minuit 26 et 2 secondes sur Fadjet. Et j'ai décidé de vous faire redécouvrir un album qui prenait un peu la poussière sur mes étagères. Et comme j'imagine sans difficulté qu'il prend aussi la poussière dans nos playlists ou listes de lecture abandonnées au fond des high trucs et high machins. Enfin, je fais le mec, mais mon portable c'est un iPhone. Bref, on va redécouvrir ensemble l'album Play de Moby qui est sorti en 99. Non ? Si ? Sorti en ? 2000. Bon, bah maintenant que je vous l'ai dit, il est sorti en 99. Mais comme c'est l'album le plus vendu de l'année 2000 en France, petite entorse à la règle. Donc, cet album, vous le connaissez sans doute, la photo de couverture de l'album, c'est ce monsieur qui saute dans les airs sur un fond clair, bleu-vert. Et en gros, les paroles de la chanson Honey sont plutôt basiques. Il y a 6 phrases dans lesquelles le chanteur explique que sa chérie va revenir, qu'il va aller la chercher, c'est cool, elle est de retour. Bon, basique, mais très efficace pour se donner la pêche et pour faire la fête comme il se doit quand on parle de Berlin. Let my honey come back. Sometime I'm on a red back jack. Sometime I get a hump in my back. Sometime I'm going over here. Voilà, c'était Moby sur Fadjet avec Honey. Fadjet, 30 ans, 30 heures de direct. Et donc Léa, tu nous as préparé un petit hommage à Helmut Schmidt qui est mort la semaine dernière. Pas tout à fait la semaine dernière, mais presque il y a 10 jours. Il y a 10 jours, ouais, donc, je suis vachement bien renseigné. C'est pas grave, tout va bien. Donc Helmut Schmidt est mort le 10 novembre dernier, donc à Hambourg en Allemagne. Pas à Berlin, non, à Hambourg. Et Europe & Roll souhaiterait lui rendre hommage au cours de cette soirée, autant pour son rôle politique en Allemagne que pour son rôle décisif dans la construction européenne, puisque Europe & Roll, c'est quand même avant tout une radio qui défend les idées européennes. Donc tout d'abord, pour ceux qui ne connaîtraient peut-être pas assez ou pas du tout le personnage, qui était Helmut Schmidt. Donc il est né en 1918 à Hambourg. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été mobilisé sur le front Est. Il est rentré en Allemagne, il a travaillé comme conseiller au ministère allemand de l'air. Puis il a été fait prisonnier à la fin de la guerre par des troupes britanniques en avril 1945, sur le front Ouest. En 1946, donc dès la fin de la guerre, il a rejoint le SPD, le Parti social-démocrate allemand. Et cela marque le début de son engagement au sein de la social-démocratie, excusez-moi, en Allemagne. Il est élu au Parlement ouest allemand en 1953 sous l'étiquette du SPD. Et lorsque Willy Brandt, le premier chancelier social-démocrate, a accédé au pouvoir, donc c'est en 1969, il occupe des fonctions de ministre de l'économie et des finances avant d'être finalement nommé ministre de la défense entre 72 et 74. Donc il a vraiment eu des fonctions importantes au sein de la coalition. Et ensuite, en 1974, il va succéder à Willy Brandt et parvenir au sommet du pouvoir en étant élu chancelier allemand, donc Reichskanzler. Ensuite, la question, c'est que nous a laissé Helmut Schmidt de ses années au pouvoir, au final. Donc, il y a plusieurs choses. Tout d'abord, en politique économique, il est l'auteur d'une très, très fameuse formule qu'on apprend aujourd'hui encore en cours d'économie. Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Donc, peut-être que vous l'avez déjà entendu, si ça vous dit quelque chose, c'est Helmut Schmidt. Moi, ça me paraît très bien, en tout cas. J'adore cette formule, je voilà. dois le dire. Si vous adhérez. Ensuite, sur le plan de la construction européenne, Helmut Schmidt a joué un rôle assez décisif. En fait, il a formé vraiment un binôme, un moteur franco-allemand avec Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70. Et son rôle a été particulièrement important dans l'élaboration du système monétaire européen, ce qui va conduire plus tard la communauté européenne à adopter l'euro et donc à construire une véritable union monétaire. Donc c'est des choses très très importantes encore aujourd'hui. Et par ailleurs, sur un plan peut-être plus diplomatique, il a continué la Ostpolitik de Willy Brandt, donc une politique d'ouverture vers l'Est et de collaboration avec les pays de l'Est. On peut donc affirmer que Helmut Schmidt a été l'une des figures principales de la construction européenne. Il a également été réaliste et a participé à rendre l'Union européenne une union économique plus forte. Et s'il n'était plus chancelier depuis 1982, il restait une personnalité politique extrêmement importante en Allemagne. En 2010, les trois quarts des Allemands voyaient en lui une autorité morale. Donc voilà, hommage à ce personnage. Donc si on doit retenir quelque chose d'Helmut Schmidt, une chose, c'est le système monétaire européen. Non, j'espère que non. Oui, c'est très important, mais il n'y a pas que ça. Et c'est surtout une autorité morale, une personne respectée, quelqu'un qui a de l'influence en Allemagne. Est-ce que tu es d'accord, Hannah ? Absolument. Justement, c'est ce que j'allais revenir sur le fait que c'était avant tout, avant d'être un homme politique, je pense, quelqu'un qui était un intellectuel et qui a marqué la pensée allemande. Super, merci beaucoup. Puisqu'on parle d'Helmut Schmidt, on entend son nom sonne bien allemand. Et du coup, c'est le nom de famille Schmidt qui est le nom de famille le plus fréquent à Berlin. Mais quels sont les autres qui sont beaucoup donnés, enfin, ou beaucoup répandus plutôt ? Müller. Alors, Müller est le deuxième. J'ai un ami qui vient de Berlin qui s'appelle Schneider, du coup. Ah ouais. Petit hommage à Lucas Schneider sur les ondes de Balthazar. Je crois Balthazar Müller qui nous écoute. Donc, hommage à lui aussi. Et petit hommage aussi à quelqu'un qu'on connaît tous aussi, mais ce n'est pas un étudiant. Attention, qui vient de Berlin, on le sait. Schulz. Ah, Schulz, bien sûr. Schulz, quelqu'un qu'on connaît tous ici parce que c'est une professeure sur le campus européen franco-allemand de Sciences Po. Ok, merci Léa pour cette chronique. Fadjet, solidaire des victimes des attentats de Paris. Voilà aussi une pensée pour eux parce que c'était il y a une semaine. Et on continue donc quand même à faire la fête parce qu'ils étaient eux aussi en train de faire la fête. Et on retourne à Berlin et on continue à se poser les questions, à savoir... on continue à se poser nos petites questions. La question qui suit, on sait qu'on a beaucoup d'amis étudiants qui nous écoutent. Pour ceux qui ont envisagé un jour de faire leurs études à Berlin, Freie Universität contre la Humboldt, d'après vous, qui est la meilleure ? Qu'est-ce qu'on choisit ? Alors, je pense que ça dépend de vraiment ce que Ah, bah ça dépend, c'est une mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. Mais ça dépend vraiment, parce que la Freie Université est une des meilleures en sciences politiques. Je pense que tu peux nous en parler. Je suis d'accord avec toi, Romain. Déjà, il faut savoir que les deux universités sont pas situées géographiquement au même endroit dans Berlin. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui pourrait faire pencher la balance. C'est un flux pour faire la fête, finalement. Voilà, c'est ça que tu veux nous dire, Léa. Exactement. La Humboldt, elle est vraiment dans le centre de Berlin. Voilà. Donc, alors que si la Freie, elle est plus en dehors. Elle est un peu plus excentrée, oui. C'est plus excentré, c'est plus sud-ouest de Berlin. Et du coup, je sais pas si ça peut être un élément qui peut vous influencer. Moi, je compte aller à la Freie l'an prochain. Et ça n'empêchera pas de faire la fête, vous inquiétez pas. Ok, on compte sur toi pour être la meilleure ambassadrice de rock'n'roll là-bas, de l'autre côté du Rhin. Alors, on connaît aussi en Allemagne les Biergarten, qui sont donc les jardins de bière, traduction littérale, les jardins de bière. Alors, est-ce qu'à Berlin, on est plutôt Biergarten, on est plutôt bar, on est plutôt jardins normaux? Qu'est-ce que vous préférez? Bar avec un petit concert. Bar avec un petit concert plutôt que les Biergarten. Ouais. Oui, on les réserve plutôt à la Bavière quand même. Ouais. Les Biergarten, on les réserve plutôt à la Bavière. Il y en a à Berlin, il y en a. Il y en a qui sont assez respectables. Ce qui est pas mal à Berlin, c'est aussi juste les parcs. C'est une ville extrêmement verte et je pense que ce qui est super agréable à Berlin, c'est de s'asseoir avec une bière achetée dans un des Spéti, un des magasins ouverts 24 heures sur 24 à Berlin, et s'asseoir dans un parc tranquillement. Mais, ça sent vécu, Hannah. Mais pour faire la fête, il y a aussi les clubs. Qui sont mondialement connus. Je pense que tu peux nous en parler un peu plus bio. J'y tiens pas. Mais Robin, ça c'est pas sympa. Ça vraiment c'est pas sympa. En tout cas, je sais que toi tu as fait une petite étude comparative des différents clubs berlinois pour préparer l'émission. Ne nous mens pas. Non, pas comparative, mais voilà, il y a des clubs connus. Alors il y a le Trésor. Alors là, c'est plutôt tout ce qui est techno, tout ça. Il y a le Kit Kat. Oui. Vas-y. Alors, j'ai trouvé que c'était une discothèque légendaire. Ouais. Alors, il faut que tu nous dises à chaque fois si c'est Berlin Est ou Berlin Ouest, pour qu'on puisse se finir par se décider, tu vois. Alors là, je... Ah bah voilà. Là, j'ai pas vu, désolé. Travail amateur. C'est ça, mais est-ce que Berlin est vraiment un lieu... En Europe, on entend souvent que c'est vraiment le lieu des boîtes, tout ça. Pourquoi plus qu'une autre ville, au final? Oh, bah, je pense quand même. Enfin, je suis pas un expert de Berlin, vous l'êtes autant que moi, du moins. Berlin est quand même une ville qui, jusqu'ici, bénéficiait de prix pas trop chers. Il y a quand même énormément de jeunes. Il y a énormément de jeunes, pas mal d'étudiants. C'est une ville extrêmement cosmopolite. D'ailleurs, une des questions qui va venir, c'est Berlin est-elle plus internationale qu'allemande? Il y a énormément d'étrangers. Il y a une ambiance à Berlin. Comme le disait Anna, il y a les Spéti qui sont ouverts toute la nuit. Tout est fait pour faire la fête. Il y a des lignes de métro qui sont ouvertes toute la nuit, le samedi et le vendredi soir. Les lignes de bus qui fonctionnent toute la nuit aussi. Tout est vraiment fait pour que la ville vive la nuit. Alors, est-ce qu'on fait plus la fête à Berlin qu'à Paris? La question est ouverte. Peut-être qu'on la fait différemment. Et mais j'en profite pour revenir sur ce que tu viens de nous dire, publier de plus en plus de tourisme à Berlin, de plus en plus de touristes qui envahissent les bars, les boîtes de nuit, tous les lieux publics. Eh bien, figurez-vous que se développe depuis quelques années un phénomène anti-tourisme à Berlin. Ça veut dire c'est quoi? C'est un petit peu triste. Alors, je m'explique. Plusieurs touristes donc étrangers, qu'ils soient français, italiens ou même en dehors de l'Europe, ont reporté qu'ils avaient été pas agressés, mais agressés en tout cas verbalement par des Berlinois qui ne supportent plus, en fait, qui ont l'impression que Berlin perd son identité et que ça devient de plus en plus un lieu touristique et donc peut-être moins authentique qu'auparavant. Et donc c'est un phénomène qui est en train de... J'ai lu ça sur plusieurs blogs, donc à mon avis c'est observé, c'est certifié. En même temps, il faut s'imaginer rentrer tranquillement chez soi et puis voir tous ces étudiants qui sont venus faire la fête à Berlin, qui sont complètement bourrés avec leurs bouteilles dans la main, qui chantent des chansons très très fort dans la rue. Et puis, je sais pas, il y a un côté quand même qui manque un peu de respect. Et puis, je pense qu'il y a peut-être aussi un autre point par rapport au logement, qui est qu'il y a beaucoup de Airbnb ou d'autres logements qui ont été... achetés par des habitants qui les louent donc aux touristes, ce qui fait énormément monter aussi les prix des loyers dans le centre de Berlin, et ce qui pose un vrai problème, puisque je sais pas, même moi j'ai des amis qui étudient à Berlin et qui ont vachement de mal à trouver un logement, puisqu'il y a très peu de logements à Berlin maintenant. D'autant plus, on disait tout à l'heure qu'il faut s'imaginer en train de rentrer chez soi et avoir tous ces gens bourrés, d'autant plus que les Berlinois sont finalement des amants comme les autres qui aiment pas mal la discipline. Je veux pas créer de polémique, mais c'est vrai qu'en Allemagne, on aime bien. Attention. Mais peut-être un peu poussé quand même, parce que à Kreuzberg, je pense que tu connais ce quartier, Hanna, il y a des tracts qui sont passés et qui disaient par exemple au secours, les touristes arrivent, ou Kreuzberg n'est pas un parc d'attractions. Enfin, faut peut-être pas non plus repousser les touristes. Mais sous l'attitude vraiment agressive, oui, c'est de ça, façon, c'est trop agressif. Ça donne pas vraiment envie, là, ce que vous nous dites. Ah non, désolé, on veut pas vous dégoûter de Berlin. Allez tous à Berlin. On tient à dire que quand même à Berlin, enfin moi quand je me promène à Berlin, j'ai l'impression qu'au final je pourrais me trouver dans une ville française typique aussi, puisque j'entends énormément de Français autour de moi. Et ben on va faire une deuxième pause un peu moins rock mais tout aussi pop avec Léa qui va nous présenter une petite musique tout droit sortie des années 2000. Ah bah, on ne pouvait pas passer à côté de cette chanson. Alors je suis pas particulièrement fan de cette chanson, mais si, je n'assume pas. Non, mais elle est caractéristique de l'année 2000. C'est Moi Lolita d'Alizée. Donc cette chanson a été écrite par Mylène Farmer et composée par Laurent Boutonnat. Elle est donc interprétée par Alizée qui est encore toute jeune à l'époque. Elle avait je pense 16 ans. Et en fait la chanson est inspirée du roman Lolita de Vladimir Nabokov qui décrit l'histoire d'amour d'un homme adulte pour une très jeune fille. Une enfant, en fait. Et dans son texte, Mylène Farmer fait prendre à Alizée le point de vue de la jeune fille et illustre la personnalité complexe du personnage de Nabokov. Et figurez-vous que c'était la troisième meilleure vente de single de l'année 2000. On ne pouvait vraiment ne pas vous la diffuser. Donc allez chanter les paroles avec nous, vous connaissez tous. Voilà, c'était Alizé, moi Lolita sur, Fadjet, non pas sur Facebook. Ça nous a bien ramené dans les années 2000, effectivement. Fadjet, depuis 1985, garantie sans pub. Et effectivement, Fadjet sans pub depuis 1985. Et Fadjet nous ramène à Berlin, où on s'est dit qu'on avait une dernière question à se poser quand même. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ce slogan « Berlin, arm, aber sexy ». Berlin, pauvre mais sexy. Je vois Marc qui sourit, qui est content en entendant « arm, aber sexy ». Alors, Berlin, pauvre mais sexy, est-ce que c'est toujours valable ? Je ne crois pas trop. Hein. Je pense qu'en ce moment, même depuis les années 2000, puisqu'on parlait de l'année 2000, Berlin s'embourgeoise beaucoup. Et on dit souvent qu'ils étaient baba et qu'ils deviennent un peu bobo. Donc... Passage du baba au bobo, c'est pas mal, effectivement. Donc, mais est-ce que... Quand même, moi je trouve que Berlin reste, pour une capitale, hein, reste beaucoup moins bobo que certaines villes comme Paris, Londres, où là les prix sont juste déments et c'est des villes assez peu accessibles. Il y a quand même, dans le centre de la ville, des quartiers assez populaires. Alors que à Paris ou à Londres, ça n'existe pas du tout. Alors même si aujourd'hui... Ça existe quand même. Peut-être moins à moins. Ça existe quand même, mais après, Oui, mais peut-être pas tout un quartier. Enfin, Neukölln, qu'on a parlé tout à l'heure, ou des quartiers comme ça, qui sont quand même assez pauvres. Il y a des parties d'arrondissement à Paris qui restent assez populaires quand même, en général. Okay. Ouais. excusez-moi. Alors, si... la parisienne parle. si Berlin est moins pauvre, elle est quand même toujours aussi sexy, non ? C'est toujours, on l'a dit, une ville pour faire la fête. C'est même peut-être de plus en plus sexy au final. Est-ce que c'est de plus en plus ? Ah oui. Ah oui, tu as des choses à nous raconter là-dessus. j'ai l'impression que oui, ça gagne de plus en plus en attractivité, quoi. C'est-à-dire qu'on, enfin, Berlin est, on peut dire, la ville de toutes les discussions en ce moment. Non, si vous lisez un journal, un magazine, c'est partout Berlin, les bons plans à Berlin. Ouais. Pourquoi Berlin pour un week-end, pour les étudiants, pourquoi Berlin ? Berlin est partout. Et en fait, c'est peut-être un paradoxe parce que Berlin a été assez attractive, notamment du fait de ses prix qui étaient assez bas, donc plutôt accessible à des jeunes. C'est aussi connu pour être un lieu de culture underground, tout ça. Et pourtant, il y a de plus en plus de touristes qui viennent. Et moi, je pense que les prix, du coup, augmentent. Ça, on en a parlé tout à l'heure. Et du coup, ça va peut-être rendre la ville moins attractive au final. Est-ce que c'est pas un piège pour Berlin ? Oh là là ! Une vraie problématique de dissertation. Deux parties, deux sous-parties, c'est parti. Ouais. Bon, on n'arrivera encore une fois pas à trouver la réponse de savoir si Berlin est toujours aussi pauvre et toujours aussi sexy. Elle est sans doute moins pauvre. Est-elle plus ou moins sexy qu'avant ? On ne sait pas. En tout cas, ça reste une ville hyper attractive. Nous qui sommes tous au moins allés une fois à Berlin, déjà j'aimerais faire un petit sondage, comment sommes-nous allés à Berlin ? On en a parlé tout à l'heure, on s'est rendu compte qu'il y a quand même pas mal de moyens de s'y rendre. Clémentine ? En avion plutôt, mais en bus quand même une fois. Au moins une fois. Anna ? Moi, en avion tous les ans, mais une mémorable fois en voiture. Alors, il faut préciser quelque chose. Tu n'es pas du nord de la France comme la plupart d'entre nous. Mais de Nice. Mais de Nice. Nice-Berlin, 24 heures. En voiture. Coincé dans des bouchons. sacré aventure. Du bonheur absolu. Bah, le bus, moi, je trouve, Berlin en bus. Nancy, Berlin en bus. Sacrée expérience. Sacrée expérience. Mais c'est vrai qu'on y allait avec tout le reste de la promo l'année dernière et c'était quand même plutôt sympa. Oui, de nuit, ça va. En plus. On avait des têtes pas très fraîches le matin. Il faut le rappeler. Robin, un avis sur la question ? En avion aussi. En avion. Et le bus aussi. D'accord. Sinon, en réalité, Berlin, comment on fait pour y aller ? Il y a des liaisons quotidiennes, je crois, avec Air France, avec EasyJet aussi au départ de Paris, au départ des bases de province avec EasyJet. De Metz, on peut partir en bus à Berlin aussi. Depuis Nancy, en bus. Pour y aller en train, je crois que le train de nuit qui existait entre Paris et Berlin a été supprimé par la Deutsche Bahn. Quel dommage. Je sais que la semaine prochaine, je pars pour 6 changements pour arriver à Berlin. Ah oui, quand même. Pendant la nuit. 6 changements, super. C'est pas mal. Sympa. Ok, alors nous qui sommes tous allés à Berlin, autrement que de parler des transports pour s'y rendre, on a tous un petit, au moins un bon plan, si ce n'est un petit incontournable à vous donner. Qui veut commencer ? Ben moi, je veux bien. Allez, Rana. Sur quelques bons plans gratuits ou presque. Je sais tout simplement que si vous êtes amateur de vélo, je pense que Berlin, c'est une ville tout à fait faite pour vous parce que il suffit de, je sais pas, enfin pour moi c'est un véritable bonheur de juste faire des tours en vélo dans la ville elle-même, de juste découvrir des quartiers en vélo. C'est une ville qui est relativement étendue et par exemple j'ai fait un magnifique tour en vélo dans des quartiers comme Neukölln, etc. Et j'ai découvert des parcs, des graffitis, des nouveaux bars. Je sais pas, c'est vraiment, enfin Berlin pendant le beau temps avec un vélo, c'est magique. Et puis ça peut nous permettre d'aller dans de nombreux lacs aussi qui sont à Berlin et puis tout autour. Donc par exemple, ben, je sais pas, le Teglasee, le Schlachtensee, des lacs qui sont à Berlin même et qui sont très atteignables et qui sont absolument magnifiques. En tout cas, qui font la fierté des Berlinois, je dirais. Il y a même des petites plages autour, ouais, des vraies plages. Voilà, des vraies plages. Par contre, ce qui est un peu moins, enfin ce que je conseille un peu moins, ce serait des Freibäder qui seraient des espèces de plages aménagées, privatisées, avec beaucoup de vieux, de familles, avec des petits enfants. Pas très fiesta tout ça. Voilà. Ok, quelqu'un moi, d'autre. J'ai un bon plan, ouais, pour ouais. La cuisine, parce que voilà. Je... Ah, pas mal, pas mal. Ouais. On aime bien la cuisine. On aime bien la cuisine européenne, ouais. Je sais pas si vous avez remarqué. Et ce n'est pas un kebab. Alors c'est un petit restaurant, une petite adresse un peu insolite à Neukölln qui s'appelle Azam. C'est au sein du quartier turc et c'est un restaurant qui coûte très très peu cher. Et la spécialité c'est le houmous, mais un houmous vraiment délicieux, absolument hors du commun, incroyable. Et c'est rare d'en trouver des si bons, je pense. Des pitas aussi très très bonnes. Et attention, il faut le savoir, une portion de houmous nourrit absolument toute la famille. Donc attention, il faut y aller quand on a très très faim. D'accord, c'est et l'adresse, donc je vous la donne, c'est sur la Zone Allée à Berlin. D'accord. Au numéro 54. Zone Allée comme le soleil, c'est ça ? Comme le soleil. C'est vrai que du houmous à Berlin, en veux-tu, en voilà, on peut en trouver. Mais celui-là est très très bon, vraiment je précise. Hein. D'accord. On a l'adresse pour vous qui aviez prévu de vous rendre à Berlin ou peut-être pas, mais maintenant c'est dans vos priorités. Voilà, notez bien l'adresse de Léa. Personnellement, j'avais aussi quelques incontournables, pas forcément des bons plans, mais vous ne pouvez pas, sous aucun prétexte, louper l'aéroport désaffecté de Tempelhof. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Tempelhof, c'est un aéroport qui était dans Berlin-Ouest. Et au moment du pont aérien construit par les Américains, c'est l'aéroport qui a servi à passer de l'Allemagne de l'Ouest à Berlin-Ouest pour permettre d'approvisionner Berlin-Ouest en denrées. Donc c'est un aéroport qui a une histoire formidable et qui a été désaffecté à partir de 2007, je crois. Et aujourd'hui, ça s'est transformé en parc. Alors ça, il n'y a vraiment qu'à Berlin qu'on peut trouver ça. Un aéroport au milieu de la ville transformé en parc, c'est génial. Il y a les deux grandes pistes de décollage, il y a des avions encore abandonnés sur les trucs... Enfin, il y a encore les bâtiments de l'aéroport. Franchement, c'est vraiment cool de pouvoir aller faire du vélo sur des pistes d'atterrissage. En plus, vous pouvez, si vous n'avez pas de vélo, vous pouvez louer directement des vélos sur l'aéroport. Faire du roller. Faire du cerf-volant. Je sais, voilà, exactement. L'été, il y a des gens qui louent des cerfs-volants et il y a même des gens qui louent des planches à voile à roulettes. Donc, on peut faire de la planche à voile pour les véliplanchistes comme moi. J'ai pas encore essayé, mais la prochaine fois que j'y vais, c'est promis, j'essaye. Sinon il y a le mémorial aux juifs assassinés d'Europe qu'on avait vu, on était passé une fois quand on était tous ensemble. Quelqu'un veut en parler ? Oui, il est vraiment chouette ce mémorial. Je me souviens quand j'étais petite, ils ont réussi, les Berlinois, à partir d'un monument qui est censé être assez triste, à rendre quelque chose de finalement pas du tout austère. On peut courir à travers, se cacher, on peut s'amuser dedans et pour autant se rappeler... Il reste relativement impressionnant. Grosso modo, à quoi ça ressemble ? C'est des grandes statues, des grandes blocs de pierre, blocs de pierre alignés. C'est un peu comme un labyrinthe. Quand on est dedans, le sol n'est pas droit. Ouais. Ok. C'est une sorte de cimetière fun. Plus ou moins. Pas jusqu'à là. Pas forcément. Ça peut être très oppressant, je pense, de se trouver tout seul à l'intérieur. Par contre, près de ce cimetière, enfin de ce mémorial, je veux dire, il y a aussi le Brandenburger Tor. Donc. Ah oui. Signe de Berlin, je dirais même le signe de Berlin, étant donné que par exemple c'est le signe qu'on trouve sur toutes les fenêtres de métro, les cartes postales, bien sûr. C'était l'entrée de la ville fut un temps. Et puis à côté encore le Reichstag, donc le siège du Parlement allemand. La chambre basse du Parlement. Oui. Et ce que je vous conseille, c'est de monter sur la coupole, peut-être un joli soir au crépuscule. C'est vraiment joli, ça offre une magnifique vue et sur les toits de Berlin. Et juste à côté, il y a le Tiergarten, donc, qui est un parc aussi assez grand quand même. Oui, immense. Immense plutôt. Et donc vraiment dans le cœur de Berlin. Et pour avoir aussi une magnifique vue de Berlin, il y a la tour de la télévision où on peut monter. Qui se trouve à Alexanderplatz. C'est ça, exact. Et où on a une vue vraiment, on est vraiment assez haut et on a vraiment une vue panoramique sur Berlin, ce qui peut être aussi super bien avec un coucher de soleil par exemple. Donc, Alors le Tiergarten, ça s'appelle le Tiergarten, c'est pas au hasard, c'est parce que ça, c'est le parc des animaux. Pourquoi le parc des animaux ? Parce qu'effectivement, beaucoup, beaucoup d'animaux vivent dedans. Je me souviens d'avoir aperçu des renards, des lapins, des écureuils, toute une série de trucs. C'est quasiment un zoo. Sachant qu'il y a aussi un immense zoo à Berlin qui est super aussi. Et dernier petit incontournable, à côté de tout ce qu'on vient de citer, dans le même quartier, pas très loin de la Potsdamer Platz, qui est une place toute neuve qui a été construite qu'à partir de 93, il y a un des derniers bâtiments achevés à Berlin, qui est la Philharmonie de Berlin, qui est un bâtiment qui peut paraître un peu bizarre, c'est jaunâtre vu de l'extérieur, et en fait c'est génial, et surtout on y trouve les concerts des meilleurs artistes classiques. Voilà, Europe & Roll touche à sa fin. On va laisser la place à Party Time tout de suite après. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci encore de nous écouter tous les dimanches à midi. Vous nous retrouvez d'ailleurs dimanche midi qui arrive. On parlera du Vatican. Oui, c'est vrai que c'est dès demain. On parlera du Vatican. Enfin, pas moi, mais d'autres d'Europe & Roll vous parleront du Vatican. Vous pouvez nous retrouver sur le site de Fadjet en podcast et sur Vimeo. On est rediffusé le lundi à 18h et le mardi à 13h. Allez, on vous laisse avec Sex Bomb, dernier tube de l'année 2000, tout aussi sexy que Berlin. Slow, and yes, I must react to claims of those who say that.